Lettre 18e, Larissa à Junia Marcella, Edesse, juin 301. D'une main faible et tremblante, à peine capable de tracer mes idées, je vais essayer de te donner de mes nouvelles, chère Junia. Peut-être auras-tu beaucoup de peine à déchiffrer ces caractères. J'en ai plus encore à les tracer. Mais il faut que je t'écrive. J'éprouve de la satisfaction à t'ouvrir entièrement mon cœur, à te supplier de me soutenir par les conseils de ta sage amitié. Voilà tout ce qui me reste. Avec la volonté inébranlable de rester toujours digne de cette amitié et de supporter les épreuves que Dieu m'envoie. Ne sais-je pas qu'il frappe ceux qu'il aime? Douce et consolante pensée, tu m'empêcheras de succomber sous le poids accablant du chagrin. 5 longues années traversées par des peines domestiques, par la pauvreté, par la cruauté des étrangers, venait de s'écouler sans que mes ardents désirs, mes ferventes prières eussent obtenu de Dieu ce que je lui demandais, sans cesse, avec ardeur. La seule chose qui put adoucir tant de peines et me rendre peut-être au bonheur. Des nouvelles, enfin, de l'ami de mon enfance, de mon cher Agathoclès. Pourquoi n'ai-je rien appris de lui lorsqu'il en était temps encore? Pourquoi le hasard ou les passions des autres ont-elles bouleversé mon sort? Pourquoi ai-je été entraîné malgré mon cœur, malgré tous mes sentiments? Pourquoi, malheureuse insensée, peux-tu, oses-tu le demander? Parce que telle était la volonté de Dieu, sans la permission de qui un cheveu ne peut tomber à terre. Dieu voulut sans doute éprouver ma piété filiale. Sur le lit de mort de mon père, par ses ordres positifs et répétés, j'ai donné ma main à Démétrius. Alors j'avais entièrement renoncé à tout, à l'amour, à l'espoir, au bonheur. Ne devais-je pas me sacrifier pour donner un soutien à ma famille, à mon père mourant cette consolation, et à moi-même une existence honnête? Oui, Junia, je devais faire le sacrifice d'un cœur déjà brisé. J'épousais Démétrius. Depuis 3 ans, je suis la compagne d'un homme vertueux, mais sévère, impérieux, ayant toute la rudesse des mœurs guerrières. J'ai souffert avec patience, et sans jamais m'en plaindre, tu le sais, Junia. Tout ce qu'un caractère aussi complètement opposé au mien m'a fait endurer. J'avais obtenu ce que j'ambitionnais le plus, l'estime de mon mari et une tranquillité apparente. J'offrais à Dieu mes peines. Le courage, la patience étaient la récompense de ma résignation. Je n'étais pas heureuse, mais j'étais calme, parce que j'avais la paix de la conscience. Hélas, Junia, ce bien précieux, je l'ai perdu. Plus de calme, plus de paix, plus de repos pour ta malheureuse Larissa. Dans un bosquet, du jardin qui entoure la villa où Démétrius a établi sa demeure et le quartier général, j'étais, il y a 4 jours, occupé à préparer des laines et de l'or pour lui broder un manteau de guerre. La corbeille que tu connais et qui m'est si chère, si précieuse, seul reste, hélas, des temps heureux de ma première jeunesse, était à côté de moi. Tout en travaillant, mes idées erraient au loin. J'avais oublié dans mon appartement quelque chose d'essentiel à mon ouvrage. Je laisse ma corbeille sur le banc où j'étais assise, je cours chercher ce qui me manquait et reviens aussitôt. Au moment de rentrer dans le bosquet, j'aperçois un jeune guerrier qui tient ma corbeille et l'examine attentivement. Je m'arrête, je baisse mon voile. Au bruit de mes pas, il se retourne. « Oh, mon ami, peins-toi si tu le peux, et mon étonnement et mon bonheur. Je voyais Agathoclès. Tout me l'assurait et je ne pouvais le croire. Je le nomme en levant mon voile. Il prononce mon nom. Plus de doute. D'abord, je deviens incapable de réfléchir. La joie m'entraînait malgré moi. Je suivis l'impulsion de mon cœur. Je volais dans les bras de mon ami. Son émotion égalait la mienne. Je vis, je sentis que j'étais encore sa Larissa, que je vivais dans son souvenir comme dans les heureux temps de notre jeunesse, dans ce temps d'innocence où nous jouissions si délicieusement de l'expansion d'une amitié réciproque. Oh, Junia! Tout ce qui s'est passé depuis était effacé de ma pensée. Je me croyais à Nicomédie dans le jardin de mon père, où je volais ainsi à sa rencontre dès que je le voyais arriver. Je n'avais plus alors d'autre sentiment que celui du bonheur d'avoir retrouvé mon ami. Pourquoi cet heureux moment ne fut-il pas le dernier de ma vie? Je l'espérais un moment. Tout à coup, l'image de Démétrius, le souvenir du lien sacré qui m'unit à lui, s'offrirent à moi sous l'aspect le plus effrayant. À peine eus-je la force d'en instruire Agathoclès, Je sentis un poids énorme sur mon cœur, un nuage sur mes yeux. J'allais tomber en défaillance. Lorsque Agathoclès me soutint, me plaça sur le banc et resta à genoux près de moi. Junia, comme j'étais heureuse, j'avais tant désiré de mourir dans ses bras. Il voulut appeler, je le retins, car il me semblait que j'allais cesser de vivre, et je voulais expirer près de lui. Je perdis bientôt connaissance. Ses tendres soins me rappelèrent à la vie. Ah, quelle vie, Junia! Dès que je pus prononcer quelques paroles, dès qu'il put m'entendre, je lui annonçai notre éternelle séparation. Il ne me comprit pas. Ses principes sont si différents des miens. Je le priai de se retirer. La prolongation de sa présence, la faiblesse de mon cœur me faisaient trembler. Plus je le regardais, plus je sentais mon courage s'affaiblir. Enfin, sa délicatesse l'emporta sur son désir de rester. Il consentit à me quitter. Mais lorsque je le vis disparaître, je sentis toute l'étendue de notre malheur. Mes larmes recommencèrent à couler avec une telle abondance que mes femmes furent effrayées de mon état et presque obligées de me porter. Ah oui, ma Junia, je suis malheureuse, bien malheureuse. Cependant, avec quelle joie, je voudrais souffrir davantage si je pouvais délivrer son cœur du poids qui l'oppresse. L'assurance d'être encore aimée par le meilleur des hommes, par celui que je chéris depuis si longtemps, serait pour moi une source de bonheur, et cependant, je peux te l'attester, depuis cette entrevue, j'ai sans cesse désiré qu'il m'oublie, qu'il retrouve sa tranquillité, et qu'il soit aussi heureux que son noble cœur le mérite. Que puis-je, que dois-je faire maintenant? Que ta raison guide la mienne. Ma conscience me répète, chaque fois que je pense à lui avec amour, avec passion, ces mots terribles, « Tu manques à tes devoirs, tu as juré devant Dieu, à Démétrius, amour et fidélité. Amour, Junia, non, je ne lui ai pas promis d'amour, impossible. Démétrius, à son âge, ne m'en demandait pas, mais fidélité. En cessant d'être fidèle, je commettrais un crime impardonnable. Je détruirais aussi le doux lien d'estime mutuelle et de vertu qui lie mon cœur à celui d'Agathoclès. Junia, je te l'avoue, c'est surtout cette conviction qui me force de suivre la route que je me suis tracée. La seule qui me reste à suivre. Je n'ai pas revu Agathoclès. L'accablement dans lequel je me trouve depuis cette rencontre touche de bien près à une maladie. Il me sert de prétexte pour ne paraître nulle part et rester dans mon gynécée. Dieu seul connaît ce qu'il m'en coûte pour l'éviter. Et témoin du chagrin profond qui me dévore. Mais comment faire dans la suite? Agathoclès sert comme centurion dans les troupes commandées par Démétrius. Depuis quelque temps, il est nommé son légat, son aide de camp, et demeure dans notre maison. Il me sera bien difficile, peut-être même impossible, de continuer à l'éviter et de ne pas le revoir. Démétrius, qui s'accoutume si peu aux objets nouveaux, eut d'abord avec Agathoclès, ce qu'il m'a dit lui-même, une manière froide et repoussante. Tu peux juger de l'indifférence de Démétrius pour lui, par mon ignorance de savoir Agathoclès si près de moi. Mais pour mon malheur, cette indifférence diminue sensiblement. J'entends à présent mon époux parler avec éloge des connaissances, des mœurs, de l'esprit et du courage du nouveau légat. Autant j'éprouve de plaisir à entendre louer mon ami par un homme aussi sévère que difficile, autant je tremble en pensant au moment où Agathoclès sera reçu dans le cercle étroit de ceux qui l'honorent de son intimité. Quelle ressource me restera-t-il alors? Quel combat pour moi! Que de peine pour lui que je voudrais savoir si heureux. Cette situation ne saurait rester la même, impossible. Elle amènera des demandes, des explications que je ne puis toujours éviter, mais que je ne donnerai point avec une exacte vérité. Agathoclès ne doit pas savoir combien la femme de Démétrius l'aime encore. Il doit ignorer aussi qu'elle n'est point heureuse. Voilà, Junia, ce dont j'ai frémi d'avance, voilà ce qui trouble mon existence. J'ai hésité de découvrir à Démétrius ce qu'Agathoclès et moi sommes l'un à l'autre depuis notre enfance. J'ai pesé, d'un côté, l'obligation où je suis de n'avoir rien de caché pour l'homme qui a le droit de savoir tout ce qui m'intéresse, et de l'autre, la crainte d'exciter ses soupçons et sa jalousie. J'ai pensé aussi combien ses soupçons auraient plus de force s'il venait à découvrir fortuitement notre ancienne liaison. Cette idée m'a décidé à lui parler. Je lui ai tout raconté avec franchise, mais donnant toujours le nom d'amitié à nos sentiments qui sont plus vifs et plus tendres. J'ai cru de mon devoir de taire ce qui pouvait altérer sa tranquillité et avoir l'apparence d'un reproche. Puisque j'étais résolu à résister à ce sentiment, à quoi bon lui en parler ? Il reçut ma petite confidence à sa manière, comme une chose tout à fait indifférente en elle-même, et qui lui faisait plus de plaisir que de peine. J'ai tout lieu de craindre qu'il n'en ait que plus d'envie de rapprocher Agathoclès de nous. Ah, Junia, pourquoi te mentir quand je ne m'abuse pas moi-même ? Je l'espère bien plus que je ne le crains, mais sois tranquille, mon ami. Dieu me donnera la force de supporter l'épreuve qu'il m'envoie. Il n'exige de nous, ce Dieu si bon, que ce qui est en notre pouvoir. Je ne puis ni cesser d'aimer Agathoclès, ni l'éviter, mais je puis soumettre cet amour à la sagesse, à mes devoirs. Je le puis, je le dois, je le veux et je le promets. À présent, je t'ai ouvert mon cœur jusque dans ses moindres replis. Il me semble que mon chagrin est moins cuisant, moins profond, parce que je sais que tu le partageras et l'adouciras. Prie Dieu de ne pas m'abandonner. En lui, ma Junia, je mets mon espérance. Comment ta tendre amitié ?